Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Kulten Geek. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Kulten Geek, l'émission 11 de la saison 4. Cette semaine, c'est l'hécatombe. Yacine est toujours bloqué à son travail et on devrait normalement revoir G-Wolf dans quelques minutes, le temps qu'il arrive, puisqu'il habite très loin, à 500 mètres. Il n'a donc pas eu venir pour l'instant, mais nos demoiselles répondent présentes. Effectivement, Renata, notre spécialiste nippone, portugaise, franco, est avec nous. Bonjour Renata. Bonjour Rémi. Franco, portugaise, nippone, hein, j'ai mis dans le mot. Ouais. J'ai vu ça, il faudrait que tu fasses un seul mot, c'est plus simple. Exactement. Maïlys, la grande actrice et cascadeuse qui nous fait vivre le what the fuck de manière intense. Bonjour Maïlys. Salut. Très bien. Pas d'inspi aujourd'hui. Non mais je vois ça, très bien. On devrait aussi partir normalement dans le TGS Toulouse Occitanie Game Show. Maintenant, ce n'est plus TGS Toulouse Game Show. Enfin si, mais bon, bref, c'est compliqué. Nous partirons donc au TGS qui se tient actuellement au Parc des Expositions de Toulouse, puisque nous avons un envoyé spécial. Il s'agit de Dominique, qui est d'ailleurs en liaison avec nous. Bonjour Dominique. Ah, il fait de la batterie avec son micro. Visiblement. Bon, mais très bien. Eh bien, écoute, on ne dit pas bonjour à Dominique. On l'aura plus tard. On va essayer de renouer le lien avec lui. Bon, il est en tout cas notre envoyé spécial au Toulouse Game Show Occitanie pour la 13e édition, tout simplement. Alors, qui seront ses invités? Eh bien, nous le saurons dans quelques minutes. En attendant, bien sûr, le programme de votre émission ne bouge pas. Le top ou flop, l'instant nippon, le what the fuck de Maïlys, l'actu web de G-Wolf, s'il arrive à trouver le studio, les coups de cœur du web de l'équipe, et bien sûr, nous partirons au TGS. Mais tout de suite, comme d'habitude, nous commençons l'heure avec l'info des réseaux sociaux. Et du côté des réseaux sociaux, cette semaine, sur Internet, le Black Friday a fait tourner les têtes. La PS4, 20€ moins cher que d'habitude, ou encore l'enceinte Google Home, moins 10€. Vraiment, on peut dire qu'en moyenne, le Black Friday vous aura fait économiser un kebab avec frites et boissons. Sur Twitter, en parlant de Black Friday, les magasins d'Apple se sont fait boycotter. Certains magasins, comme celui de Bordeaux, a dû rester fermé un moment. Remarque, le seul moment où Apple fait des réductions, les gens boycottent. Heureusement, l'entreprise a réagi et a promis que plus jamais il n'y aurait de réduction sur leurs produits. Nous voilà rassurés. Sur Instagram, malgré une recherche approfondie, rien de neuf. Il semblerait que le réseau social ne soit pas à la hauteur des autres. Et ça, je peux vous dire que sur ce point, il n'y a pas photo. Et enfin, sur LinkedIn, Norbert est allé liker la page de Tech Corner. Il a également envoyé un mail à Kulten Geek pour informer toute l'équipe que s'il pouvait soutenir l'émission, il le ferait. Ça tombe bien, Norbert, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Kulten Geek a désormais un uTip. Et l'info sociale, ça s'arrête ici. On termine avec cette citation. Ne soyez pas superstitieux, ça porte malheur. Kulten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas. Le vrai ou faux dans Kulten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission et on va tenter de repartir au TGS avec Dominique. Bonjour Dominique. Bon, on va laisser la tranche allumée, on sait jamais. Si jamais Dominique... Ah. Non. Ah, je pense que ça bug. En fait, quand il communique ou qu'il essaye de communiquer, ça fait tout, tout, tout, tout. Ça donne l'impression d'être en communication avec des aliens. C'est l'au-delà qui est de retour. Oh là là, non, commençons pas. Alors, soit il a pas assez de réseau. Je pense, soit... ouais. Je pense, ouais, il a pas beaucoup de réseau. Il s'est con. C'est assez marrant en fait. Il fait une musique un peu bizarre. Exactement. J'ai entendu un petit bruit. Ouais, parce qu'il a fermé la fenêtre. Ouais, exactement. Okay. Ouais. J'ai raccroché, on va le rappeler un petit peu plus tard. On va essayer de faire en sorte que tout fonctionne correctement. Donc il y a peut-être des choses qui vont bouger. Peut-être que la musique arrivera plus tôt pour qu'on résoudre ce problème de connexion. Oui, qu'on résoudre. Parce que nous, on résout et on soude en même temps. Très bien, alors le vrai ou faux, j'ai des affirmations, vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Est-ce peut-être. Que c'est bon pour vous? D'accord. On peut répondre bien. Peut-être, ouais. Vrai ou faux, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont eu l'idée d'un avion en forme de sous-marin. Peut-être aussi. Vrai ou faux? Attends, tu peux. Un sous-marin en forme d'avion? Un avion en forme de sous-marin. Un avion en forme de... C'était l'inverse, ouais. Mais c'est con, ça peut pas voler, ça sert à rien, donc non. Ils ont eu l'idée, hein, j'ai dit, juste l'idée. Ah, oh, mais même l'idée, elle est vraie. Vrai, allez. Moi, j'ai envie de croire en la bêtise de l'humanité. Moi, c'était pas un sous-marin. Eh bien, c'était faux. Ils ont eu l'idée d'un avion en forme de soucoupe volante. Tu vois, c'était pas un sous-marin. Vrai, je me demande ce qui est pire quand même. Vrai ou faux, l'un des ministres de l'Australie dans les années 90 est également le détenteur du record de celui qui a mangé le plus vite, le plus de scorpions en une minute, pardon. En Australie, les scorpions réputés pour être cons. Bah après c'est un record hein. Ouais mais ils sont pas réputés pour être cons de base. Attends, on va essayer de refaire la liaison avec Dominique, peut-être qu'il nous entend. Ah, ok, très bien. C'est drôle, on dirait presque qu'il a mis de l'autotune sur sa voix. C'est ça. Livan Hart. Allô. La collègue dit Livan Hart. J'ai entendu Livan Hart, moi. Oui, Livan Hart, effectivement. J'ai réussi à avoir un mot. Il a plombé la surprise. Alors, Dominique, ce qu'on va faire, c'est que on va raccrocher sur Discord et ensuite on se rappelle pour voir s'il y a une meilleure connexion ou alors essayer de trouver un coin où la 4G est au maximum. Enfin, bref, on revient vite vers toi. On termine le vrai ou faux et on revient vers toi avec Livan Hart, justement. Voilà, c'est la petite surprise. Bon, on raccroche en attendant. Vrai ou faux, on continue. Alors, l'un des ministres de l'Australie dans les années 90 est également le détenteur du record de celui qui a mangé le plus de scorpions en une minute. Qu'est-ce que vous aviez répondu? Mais on n'avait pas encore répondu, c'est justement. C'est bien ce qui me semblait. On essayait de débattre de s'ils étaient cons ou pas. Voilà. Ah. Et ma réponse est peut-être. Non, vas-y, on va avancer. Je dis faux. Faux. Faux. Faux pour Renata. Avec le reflet, je peux pas lire dans tes yeux. Oh, c'est juste vrai ou faux, hein, c'est pas grave. Eh bien, c'est faux. Il ne détient pas ce record. En revanche, il détient un autre record. Il a réussi à boire 1,4 litre de bière en 11 secondes. 1,4 litre ? Oui, 1,4 litre de bière en 11 secondes. Je croyais que ça allait tuer. Eh ben non, il est toujours en vie, il a autant même été ministre. Autant dire comme ça. Vrai ou faux, en début de carrière, Édith Piaf, symbole de la chanson française, reprenait les chansons des autres car elle était illettrée. Allez-y, on a le temps pour répondre. Non, mais t'es en train c'est de pas détruire. Comme si, c'est pas comme si on avait une interview qui était prévue avec Livan Hart dans quelques instants. Ah, il disait peut-être qu'il était avec elle. On répond à la première chose qui nous vient oui, à l'esprit, oui, au allez, pire. Au tac au tac. Vrai. Vrai. Non. Eh bien, c'était vrai, effectivement. Puisqu'elle a quitté l'école à 7 ans. Mais je crois qu'elle ne savait toujours pas lire textes. Et écrire. Oh. Vrai ou faux, le premier parc de Disneyland en dehors du territoire américain n'appartient pas à Disney. Vrai. Je trouve ça trop drôle. Ah, je te trouvais bien sûr de toi. Ah non, non, je trouverais ça drôle, c'est tout. Je ne suis pas sûr de moi, bien sûr, pas. Bon, on va faire le contraire de Renata à chaque fois, alors. Eh bien, c'est vrai. C'est une société japonaise qui a obtenu la licence et c'est à Tokyo qu'il a ouvert le premier parc Disneyland en dehors du territoire américain. Vrai ou faux, des réseaux sociaux maintenant, je reviens pas sur celui de la semaine dernière, hein, on a eu la réponse. On a eu plus que la réponse, malheureusement. On a eu la réponse 3 fois d'affilée. Alors le vrai ou faux de cette semaine, il existe quelque part dans le monde un distributeur automatique de voitures de luxe. Oui, non. Vrai, trop vrai, ah, ce serait trop bien, trop bien. Abuse pas, ça veut dire que tu mets ta carte bleue et pouf, t'as une voiture qui sort. T'imagines, au lieu d'aller chercher un Mars, non, je vais chercher ma Bentley. J'en ai vu une oh ce oui. matin. Ah non, non, non, je veux que ce soit vrai ce truc. Je veux que ce soit vrai. Ce serait trop classe. Moi je peux pas, attends. Et les options alors les Bah options. T'en as pas. Et tu restes devant la machine pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'elle soit finie. Attends, c'est une voiture de luxe, Maïlys. T'as pas de. Les options sont déjà comprises dedans. Voilà, t'as toutes les options, tu payes pour le tout option et du coup il y a juste la voiture qui sort. Donc vrai pour Renata. Ouais, non. Ouais, vrai. Faux pour Maïlys, très bien. La réponse la semaine prochaine, vous votez sur nos réseaux sociaux. Et la question de la semaine dernière n'est pas apparue sur les réseaux sociaux pour une simple raison, c'est que si vous écoutiez l'émission, vous aviez la réponse. Alors nous partons tout de suite retrouver Dominique et on va vérifier si la connexion c'est bien J'espère. C'est bien faite. Place à l'interview by Kultengeek. Alors, est-ce que nous sommes en liaison correcte avec Dominique, notre envoyé spécial depuis le TGS pour Kultengeek? Dominique, bonjour. Ah, et ben là, on l'entend plus. On n'a même plus le son. Très bien. Il n'y a pas moyen que tu l'appelles sur autre chose que Discord? Peut-être que ça prend trop de... Attends, nous sommes dans un studio radio, évidemment que oui, il y a possibilité. Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la musique tout de suite. Et qu'ensuite on va revenir pour l'interview et les coups de cœur et l'actu web si J-Wolf arrive. Sinon on passera directement au coup de cœur. On fait dans n'importe quel ordre aujourd'hui. Très voilà, bien. On fait dans n'importe quel ordre. Vraiment là c'est totalement improvisé. Enfin c'est un petit peu le bordel parce qu'on est en duplex donc on va souvent repartir au TGS. Donc voilà, on passe d'abord la musique tout de suite et ensuite on revient pour l'interview. Dominique, on va te rappeler avec un autre moyen de communication. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do, although I know it hurts you, but I just can't follow through. I've got to let go of you, I've got to let go. I've got to let go of you, I got to let go. Lund avec le titre Let Go dans Cult & Geek, qui en est de retour et on repasse tout de suite à l'interview. Place à l'interview by Cult & Geek. Deux fois le jingle interview en moins de 10 minutes, ça c'est quand même une performance. On l'avait encore jamais fait. Bon, en même temps. On a réussi à retrouver Dominique qui est avec nous au TGS pour notre duplex. Bonjour Dominique. Bonjour Rémi, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, t'as changé tes piles, c'est bien. Et je suis passé sur le réseau hertzien. À l'ancienne. Ouais, on se la fait un peu vieux jeu au téléphone. Dominique, donc tu es au TGS pour Cult & Geek en tant qu'envoyé spécial en duplex et tu es avec la web série L'Incroyable Odyssée. C'est ça, L'Incroyable Odyssée qui fait sa première saison. Et donc je suis avec Gaël Rezé qui est le réalisateur et le scénariste qui arrive d'ici 30 secondes au micro. D'accord. Donc, il fait pipi. Il fait pipi, c'est ça, exactement. Non, il finit de manger son brownie. Ah merde. Non mais attends, c'est encore plus drôle. Je connais même pas les degrés d'importance. Il est avec moi. Donc Gaël Rezé, bonjour. Bonjour, enchanté. Donc vous êtes le scénariste et le réalisateur de l'incroyable Odyssée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur la série? Qu'est-ce que c'est cette série? Alors, l'incroyable Odyssée, c'est une série d'heroic fantasy complètement déjantée qui met en scène en fait 5 personnages principaux. Donc on a Trantor qui est un homme marmotte ninja, Oren qui est un nain super guerrier, From qui est un vieux magicien alcoolique qui a oublié l'étendue de ses pouvoirs et qui se sert de petits tours de passe-passe pour arnaquer les gens et s'acheter de l'hydromel et voilà, tourner de village en village. On a Angor qui est un elfe transgenre nazi et Yamete qui est une prêtresse du chaos, une fée qui peut se transformer en taille humaine et en taille de prêtresse. Et donc tous ces personnages-là sont chargés par le dieu naturiste Vishtu d'empêcher le retour de Triple Face qui est un terrible démon momie de papier toilette qui essaie de revenir tous les millénaires pour conquérir le monde. Wow. Alors il faut suivre, effectivement. Ah oui. Je crois que je suis morte 2 ou 3 fois pendant cette explication. C'est une série entièrement française. Comment est-ce que vous avez produit ça? Alors effectivement, c'est une production française. Après, on a certaines personnes, notamment dans l'équipe de post-production, qui travaillent depuis l'étranger. Mais c'est une création française faite avec des équipes françaises du sud de la France. Puisque ouais, à la base, nous, on est de Montpellier. Maintenant, il y a beaucoup de personnes de l'équipe qui sont sur Paris, moi inclus. Mais quand on vient tourner, on revient sur Montpellier ou dans la région Occitanie. Et voilà, on est fiers de pouvoir faire profiter les gens, les spectateurs, de leur montrer les paysages et faire travailler des gens, des talents locaux aussi, qui œuvrent du coup à faire la promotion de cet univers d'Heroic Fantasy, mais français, bien que inspiré de la littérature et de la cinématographie anglo-saxonne ou francophone, comme Monty Python, L'Enfance de Troie, les films de Chabat, etc. Un humour qui est très absurde à la Monty Python. Et donc, vous êtes français, vous êtes occitan, mais vous diffusez ça sous quel format et sur quel média du coup? Alors, pour l'instant, on diffuse ça sur YouTube. En fait, en 2015, on a créé des teasers. Il y en a 6, je crois, qui sont visibles directement sur notre chaîne YouTube, L'Incroyable Odyssée. Et ça nous a permis déjà de montrer chacun des personnages secondaires ou principaux dans un contexte. Et ensuite, ça nous a aussi permis de faire une levée de fonds pour financer le premier épisode pilote, qui lui a été tourné en 2017 et qui est toujours en cours de post-production, donc il n'est pas encore sorti. On espère là qu'il sortira début 2020. Mais qui lui fait, contrairement aux teasers qui font entre 2 et 8 minutes, lui il fait 26 minutes. Donc c'est vraiment un premier pilote de série. Et c'est le format qu'on vise. On viserait du 10 ou du 12x26, au moins pour une saison 1. Et après, on a de la matière pour faire plein de saisons, puisque c'est une fresque qu'on a imaginée et coécrit avec mon frère Axel, et qui raconte toute une aventure de personnages dans plein de lieux différents, qui est un peu dans une certaine mesure, comme Tolkien l'avait fait avec toutes ces anecdotes, ces nouvelles sur Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que on a des aventures, nous, qui font parcourir le territoire imaginaire qu'on a créé pour rencontrer plein de trucs tous aussi loufoques les uns que les autres, et donc il y a de la matière pour découvrir les nouvelles races et toujours faire des nouvelles blagues et inclure des trucs qui nous font marrer et qui n'ont vraiment aucun rapport avec Heroic Fantasy, comme par exemple des chars d'assaut, des lance-roquettes, des lamantins volants qui sont tirés dessus à coups de batterie DCA, etc. Dominique, moi j'ai une petite question pour ton invité. Est-ce que Yamete a des sorts de tentacules? Pardon Rémi? Est-ce que la sorcière Yamete a des sorts où elle fait apparaître des tentacules par hasard? Est-ce que la sorcière Yamete a des sorts où elle fait apparaître? Alors... non, car Yamete a la phobie des tentacules et des poulpes. Voilà, c'est son point faible, c'est un personnage qui est très fort. On a, c'est vrai, effectivement, peu de personnages féminins dans le rang des personnages principaux. En revanche, on en a plus de personnages féminins importants dans les personnages secondaires. Donc, dans les personnages principaux, on a effectivement Yamete la prêtresse qui est, je pense, même si c'est pas montré au début, un des personnages les plus puissants de toute la clique. Et ensuite, dans les personnages secondaires, on a donc Azira, la sorcière, qui est pas la grande méchante, mais le bras droit du méchant. Et on a Violette, qui est une serveuse initialement dans une taverne, mais qui est l'archétype de la femme émancipée, qui en fait va sortir de ce destin tout tracé et qui va partir sur les routes pour protéger un grimoire et rencontrer un vieux chevalier. Voilà, donc pour revenir à la question initiale, non, Yamete ne fait pas apparaître de poulpe, mais il n'est pas impossible, et c'est même plus ou moins prévu, qu'on retrouve autour d'elle quelque part à un moment des tentacules et des monstres géants. Maintenant, pour la version hentai, on attend encore les financements de Jackie et Michel. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous et puis bonne audition et bon TGS. Merci. Bon TGS à vous et bon courage pour la suite. Bonne journée. Merci Dominique, merci à votre invité, à ton invité Dominique. Moi j'allais te vous voyez d'un coup. Dominique, avant qu'on te laisse et qu'on te retrouve un petit peu plus tard du coup pour une autre intervention, un autre retour au TGS, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance? Tu as assisté à la conférence d'inauguration? Alors j'ai assisté à la fin de la conférence d'inauguration, c'est très festif, c'est très sympa, c'est très accessible comme d'habitude. Enfin c'est très accessible mais c'est bondé en même temps, je sais pas comment expliquer. Il y a eu d'énormes progrès faits sur l'accessibilité et sur la fluidité dans le TGS. Donc voilà, c'est un bon moment, il y en a pour tout le monde, il y a des figurines, il y a des jeux de plateau, il y a du jeu vidéo, il y a du cosplay, il y a du cinéma, il y a de tout. Parfait, bah écoute, merci Dominique. Bien sûr tu restes avec nous puisqu'on te retrouve dans quelques instants, quand on ne sait pas. C'est toi qui nous dis quand tu es prêt, quand tu as un nouvel invité. À tout à l'heure. Je pense, à tout à l'heure. Merci Dominique, il commençait à partir sur autre chose. Et bien voilà, on a découvert une web-série grâce à notre envoyé spécial du TGS Dominique qui est actuellement lui en train de parcourir tous les couloirs, se faufiler dans la foule. Et pendant que nous on est au chaud avec un café et un croissant. Exactement. Je n'arrive pas à me souvenir du nom de ce qui a été présenté. L'incroyable Odyssée. Merci. Voilà. J'ai regardé quelques aperçus sur leur chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenu déjà pour une web-série qui n'est pas sortie, les teasers, etc. Et puis tout est parti making of, et il y a même des interviews des acteurs qui vont jouer certains personnages, notamment Yamete. Il y a une interview de l'actrice qui est je pense asiatique, donc oui. Voilà. D'accord, très bien. C'est un petit peu marrant. D-Wolf qui vient d'arriver aussi, on l'a pas souligné. Bonjour D-Wolf, puisqu'il est arrivé en pleine interview. Comment vas-tu? J'ai connu de meilleurs jours, mais bon. Qu'il a la tête dans le cul. Oui, je pense aussi. Dans tous les cas, tu as réussi à trouver le studio. On te remercie d'être venu. Et puis, on va passer tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe, parce que du coup, la première musique est déjà passée. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Culte et Geek. Qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe cette semaine sur le net? C'est ce que nous voyons tout de suite avec toi, Maïlys. Est-ce que tu m'as vu à la caméra? Non, pas du tout. J'ai eu un léger mouvement de panique, genre merde, je me souviens pas. Tu prépares toujours aussi bien tes coups de cœur? Oui, j'hésite un petit peu. Mais je me souviens plus du premier avec lequel j'ai cité, du coup j'ai sorti le deuxième. En fait, comme on est un petit peu dans l'ambiance Noël et que j'adore les décorations de Noël, j'adore l'ambiance, etc., blablabla, mon coup de cœur est un peu particulier, ça va être les vidéos où il y a des paillettes. Des paillettes? D'accord. Attends, non, mais il faut être un peu plus précis. Il faut contextualiser un peu. Toute vidéo qui possède des paillettes, c'est fascinant. Ah, il y en a quand même beaucoup. Est-ce que tu en as quand même une en particulier à suggérer à nos auditeurs, parce que c'est un peu vaste? Une qui t'a particulièrement marqué? Ça fait beaucoup de paillettes. Oui. Ça fait vraiment beaucoup de paillettes. Attends de voir mon appart. Putain. Je sais pas, 5 minutes craft où ils fabriquent des trucs, ils rajoutent des paillettes. Voilà, 5 minutes craft apparemment. Très bien, merci Maïlys pour tu mets des paillettes dans nos vies. Voilà, pour faire référence à l'actualité. D-Wolf, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, c'est un film. Oula, encore un film, il est chiant avec ça. Mais bon, écoutez, je regarde souvent des films. Donc On peut revenir sur le jeu d'acteur de D-Wolf. Moi je dis que là on lui donne un Oscar direct. Écoutez. Bon, alors c'est The Irishman. Irishman. Oh, j'ai entendu beaucoup. Le film de Martin Scorsese. Martin Scorsese, c'est difficile à prononcer, mais c'est un film qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai pas envie de faire mon fanboy, donc je vais dire quand même que il dure 3h30 le film. C'est-à-dire qu'il faut être bien accroché. Ah, mais si on met de côté le fait que la mise en scène soit pas top et que les dialogues du personnage principal soient, comment dire, un peu inexistants, c'est-à-dire qu'il peut faire une scène de 30 secondes. Où il n'a que 4 mots à dire et du coup c'est ça dure comme ça et je me dis mais comment tu peux c'est quoi la direction artistique derrière pour en arriver là? C'est pas un personnage qui a des problèmes justement non pas du tout hein. Non, c'est juste que ce personnage en question, il est juste mal écrit. C'est dommage, c'est le personnage principal, mais les deux autres du coup, les acteurs, parce qu'il y a trois acteurs dedans, c'est j'ai oublié leur vrai nom. mais c'est il s'appelle il y a Offa, Russell et Frank, le personnage principal. Offa et Russell sont super. Il y a Robert de, le personnage principal c'est Robert De Niro. Il y a aussi Al Pacino qui est Offa, lui il était top. Et Russell aussi, c'est un acteur connu. En fait, si vous avez vu Les Affranchis, un autre film de Martin Scorsese, ben, vous avez sûrement déjà vu toutes ces têtes-là, mais j'ai trouvé que c'était... Pourquoi tu me regardes comme ça d'un coup J'ai l'impression que c'est senti genre... Je me sens seule à... Menacée, tu vois. Ça dit rien, les noms. J'ai vu... non, mais c'est pas grave. Et attendez, les amis, on va s'arrêter là pour les coups de cœur. Parce que Dominique, qui est avec au TGS, est avec... Ah bah ça commence à mal capter. Dominique, est-ce que tu nous entends ? Qui a mis le téléphone ? Oui, je t'entends. Est-ce que tu peux me laisser une seconde ? Bien sûr. Alors je te laisse une petite seconde. La seconde que je vais te laisser justement, eh bien c'est pour donc The Irishman. Exactement. Et Renata, rapidement ton coup de cœur. Mais pourquoi moi rapidement ? Bon c'est... attends, je présente moi rapidement du coup. Vas-y. C'est la chaîne de Fabien Olicard, mentaliste sur YouTube. Il fait des super vidéos et en ce moment je suis en train de toutes les regarder. Je me souviens du deuxième coup de cœur. Voilà, je suis en train de toutes les regarder parce que c'est juste génial. C'est génial, je suis d'accord. Dominique, est-ce que la seconde est passée ? Oui, elle est passée. Je suis avec John Rachid. Est-ce que je peux avoir une seconde, John Rachid ? Alors, John Rachid, bonjour. Donc vous êtes au TGS, qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui ? Alors ma bande dessinée qui s'appelle Comme on peut, qui raconte mon enfance en foyer et qui est dessinée par Lenny Malky, un dessinateur de génie, et je suis venu présenter ma BD. Voilà. Et c'était quoi de venir pour venir voir le TGS. Moi, j'adore la ville de Toulouse, les enfants sont incroyables. Dominique, on n'entend plus rien. Il a fait la TGS à Lyon. Oui, Rémi, allô. Oui, on n'entend plus rien. Il y a un bruit comme si un téléphone était, je sais pas. Il y a un... Ah, nous, on est en avion. Alors, ouais. Non, on est en mode avion. Du coup, ça devrait aller. C'est toi, Rémi. C'est à chaque fois que tu te déplaces. Non, parce que regarde, si je coupe, ça tranche. Hop, on n'entend plus rien. Ouais, mais c'est parce que Dominique, c'est bon, on n'entend plus. Oui. Ah, si. Si, on entend à nouveau. Il y a eu du retour. Oui, j'adore cette ville, j'adore être ici. J'avais déjà fait la Toulouse Game Show, mais à Lyon, la LGS, ils le font à Lyon. Et là, de venir à Toulouse, là où c'est né, c'est magnifique, les gens sont incroyables. Franchement, je passe un très bon moment. Et ben voilà, merci, excellente journée, bon après-midi. Au revoir. Rémi, oui. Oui, Dominique. Oui, donc John Rachid doit aller manger. On lui souhaite un très très bon appétit. Eh bien. Et voilà. Dominique, j'ai une petite question. Est-ce que votre micro, est-ce que ton micro est proche de ton téléphone ? Oui, un petit peu vu que je téléphone avec. D'accord. Est-ce que si tu mets ton téléphone dans la poche et le micro dans la main, est-ce que il y a toujours le bruit ou pas ? Moi j'entends rien, je peux pas faire mieux que ça. Non, effectivement, bah écoute, y a pas de souci, on va réussir avec les problèmes techniques, c'est un petit peu ça le direct. Bon, ben là, Dominique, tu sais, on a un petit peu le bruit comme quand t'approches ton téléphone d'une enceinte. Tu veux dire, je pense qu'il y avait le téléphone de John Rachid qui était sur la table. C'est peut-être ça, mais si ça continue, c'est qu'il doit y avoir d'autres gens avec des téléphones. D'accord, effectivement. Bah écoute, Dominique, dans tous les cas, tu ne bouges pas du TGS. Bien sûr, tu restes à l'affût pour de nouveaux invités. On a quand même eu John Rachid. Il y a eu un son dégueulasse, mais on a quand même eu John Rachid dans Culten Geek. John Rachid. Quand même. D-Wolf. Et Claire Salanta. Alors, je suis pas totalement fan, mais c'est quand même un YouTuber. Comment dire ? Pas mal connu en fait, hein. Il fait des courts-métrages, il fait des vidéos, il parle souvent de rap, je veux dire, mais il fait souvent des feats dans d'autres vidéos, il apparaît chez d'autres personnes. Il est fan de Jean-Claude Van Damme. Exactement. Et mais je peux plus faire de rap. J'avoue que même moi qui suis pas vraiment YouTube, enfin je regarde vraiment des trucs très occasionnellement, bah je le connais, genre on je voit dans plein de vidéos. On le voit très souvent. John Rachid, voilà. Bon, c'est peut-être on va te montrer une photo, Maëlys, et tu vas voir. Tu vas le voir, tu vas faire ah oui, c'est lui. Oui, voilà. Donc, franchement on le reconnaît facilement. John Rachid dans Culten Geek. Ça, quand même, je pense que personne ne l'avait parié. Non, mais là, il faut y aller niveau hashtag. Tu vois, il faut que les gens ils écoutent. Exactement. Ah, c'est le tout petit. Oui, d'accord. C'est manque de respect là. Ça va faire ma taille. On sera très content de venir. Renata, on continue avec ton coup de cœur du coup. Du coup, moi, c'est un projet donc, qui est sorti sur Ulule. Donc, ça s'appelle Shadows. Ils ont lancé une campagne pour développer donc une plateforme de screaming. Donc c'est bien fait exprès, ça s'appelle screaming et pas streaming, qui est aussi appelé le Netflix de l'horreur. Donc, il y a 10 jours restants sur la campagne aujourd'hui. 21 000 euros de récolter sur les 10 000 qui étaient l'objectif initial. Et bah, du coup, 200% atteint. Enfin, trop bien, quoi. Offre de VOD, donc vidéo à la demande, avec un abonnement sans engagement à 4,99 euros par mois. Donc, parce qu'ils voulaient vraiment que ça reste accessible, que ça reste abordable et tout. Qu'on puisse même cumuler peut-être deux offres si jamais on ne veut pas juste de l'horreur dans notre vie, quand même. Mmh. Et voilà, des contreparties. Après super. Les paillettes dans la vie. C'est l'horreur, mais c'est pour ça. Je c'est préfère pour ça, les paillettes. C'est très drôle que ce soit elle qui ait commencé d'horreur. Et moi qui ai terminé, pour le coup. Ils ont des contreparties très très intéressantes. Je les ai regardées en fonction de ce qu'on donne, justement. Il y a des posters, des t-shirts, des Blu-ray, des coffrets entiers. Enfin, franchement, ils ont mis le paquet, quoi. Renata, oui. On va s'arrêter là pour ton coup de cœur, puisqu'on repart au TGS avec Dominique, toujours. Dominique ? Est-ce qu'on oui, a des paillettes ? Bonjour. Dominique, est-ce qu'on a des paillettes ? Oui. On a des paillettes, on a même des paillettes qui se mangent. On peut mettre au-dessus des muffins, qu'on peut mettre un peu pour décorer toutes nos meilleures recettes. Je suis avec Gaston. Attends, Dominique, on n'entend plus rien. Oui, est-ce que tu m'entends, Fanny ? Ah, c'est bon, il semblerait que c'est ce bon. Soit bon. Attends, je remets mon téléphone dans ma poche. Et donc voilà, je suis avec Gastronautique qui va nous faire un petit coucou. Du coup, je suis venu vous présenter les vieilles références, mais aussi le livre de recettes Dragon Ball et le livre de recettes Disney qui vient de sortir il y a quelques semaines. Le livre de recettes Disney. Ça fait 5 ans que je fais de la cuisine de l'imaginaire, 5 ans qu'on fait des livres et 2 ans qu'on fait de la chaîne YouTube. D'accord. Donc, c'est quoi le nom de YouTube, on va pas confondre, il faut. Mais c'est quand même des recettes qui peuvent nous envoyer dans les étoiles. Gastronautique. Oui. Oui, si tu vois ça comme ça, oui, bien sûr. À ne pas confondre avec l'ami Arnaud de Astronogeek, ouais. En tout cas, de très bonnes chaînes et on vous souhaite une excellente Dominique, journée. Dominique, est-ce que tu peux lui demander s'il serait d'accord pour un jour venir un peu plus longtemps dans Cult & Geek ? Oui, est-ce que vous seriez d'accord pour venir faire une apparition téléphonique un jour sur Cult & Geek ? Oui, bien sûr. Je vous laisse une petite carte ? Bien sûr, oui. Bah, ça marche. Allez, parfait. Merci beaucoup. Et Dominique, tu as fait une transition magnifique. Magnifique. Oui, elle était belle. J'applaudis. Dominique est notre envoyé spécial au TGS. Il fait des transitions, j'ai envie de dire, scintillantes, comme des paillettes. Petits oignons, moi, comme je dis. Exactement, comme petits oignons. Dominique, merci beaucoup. Tu m'envoies un message dès que tu as quelqu'un d'autre et puis on se retrouve très vite. Et il est déjà parti sur autre chose, très bien. Notre envoyé ne perd pas de temps. Non, lui, il est boulot, c'est bon, il est au TGS. Ouais, c'est bon, bah, j'ai fini, allez, dégagé. Je continue ma route. Il a l'air de kiffer sa vie, quand même. Et en même temps, il va en faire des kilomètres aujourd'hui parce qu'il doit se balader entre les 5 halls du TGS et au parc des expos qui est grand. Mais alors, et imaginez l'année prochaine, si le parc des expos à Toulouse, le 9, est construit au nord de Toulouse, j'allais le dire, il est trois fois plus grand que celui actuel. Si on l'envoie là-bas, l'année prochaine, je pense que clairement on le perd. Il nous maudit. Mais peut-être que l'intégralité ne sera pas ouverte. Ah, peut-être, on espère. J'sais pour pas. Lui. Bon, en tout cas, les coups de cœur, bah, on s'arrête ici. Du coup, on pourra retourner bien sûr au TGS à n'importe quel moment. Et on va continuer avec le jeu Le Qu'est-ce que c'est. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade. Et à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est maintenant, dans Cult & Geek. LOL. Et alors attention, pour ce qu'est que c'est, ça va aller très vite, puisque Dominique est déjà en train de courir pour aller chercher un nouvel invité. Et un nouvel invité de marque, s'il vous plaît. En plus de John Rashid, en plus de Gastronogeek, que des beaux noms, il y a un autre nom qui va se rajouter, qu'on devait avoir normalement au début de cette émission, mais qui a dû aller manger. Bon, très bien, alors, le qu'est que c'est, je vous réexplique les règles. J'ai un résumé, une histoire d'un film, une série, un livre, un comics, etc. Et vous devez, bien sûr, retrouver de quoi je parle. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Bonjour. Ouais. C'est mieux si tu nous laisses parler. Je me disais, on a c'est... tous parlé et c'était coupé. Je me disais, c'est bizarre quand même, ils parlent pas, ils sont vachement silencieux. Ça n'arrive jamais, ça. Quel salaud. Très bien, alors on y va pour le résumé. Le personnage principal s'autoproclame Reine des Neiges, utilisant la magie pour régner sur ses serviteurs. Certains la qualifient de sorcière, ce qui en soi pas très gentil. Frozen. La Reine des Neiges. Ouais, mais non, il va pas quand faire même ça. Quand même pas. Est-ce que j'aurais vraiment mis le titre dans le résumé? Oh, allez, première proposition, allez. Première proposition, La Reine des Neiges. Eh ben, c'est ça. Eh, il est mal, mais il est intelligent. Effectivement, moi je voulais vous piéger en mettant la Reine des Neiges dans le titre dans l'anglais. Non mais lui il se laisse pas piéger lui. Mais le pire c'est que je pensais à Narnia quand j'ai écrit ça. Et pourquoi t'as c'est... changé? Non attends. Bah parce que je me suis dit tiens c'est marrant. Tu peux relire? Bah, tu aurais dû faire Narnia en fait. Clairement. Non. Oui, mais, bah, du coup bah, le fait qu'elle soit appelée sorcière bah, c'est bien. Oui la sorcière blanche dans Narnia. Elle maîtrise la glace aussi. Ah oui c'est vrai il y a elle. Oh, j'ai pas vu ça depuis longtemps. Bah bon ben tant pis. T'as oublié un personnage quand même très très important dans le film. Bon mais du coup les indices c'était il y a eu une suite et les autres indices c'était libéré délivré et elle casse les couilles. Ouais non, je mais... pense que non, on aurait trouvé rapidement. Hein. Bah libéré délivré s'il te plaît c'est oui, pas. Oui alors libéré délivré je vous l'aurais pas donné en premier ni en deuxième. Non voilà hein, je me dis aussi parce que bon. G-Wolf tu viens arriver en cours d'émission donc là tu as un peu vu à chaque fois on est passible de coupage en plein milieu par Dominique qui est justement notre envoyé spécial au TGS. Qu'est-ce qui parle bien français? Bah, j'invente des mots, d'accord? Je fais évoluer la langue, c'est normal. Tu veux dire qu'il va couper ma chronique? Oui, c'est possible qu'il coupe ta chronique. Donc, LactuWeb, tu es prévenu, c'est avec toi et elle va être coupée. Du what the fuck jusqu'au so cute, c'est LactuWeb dans Culte Geek. Eddie Wolf, LactuWeb, en attendant d'être coupé, que nous as-tu préparé? Bon, j'espère que je ne serai pas trop coupé. Alors, il était à peu près 22h quand j'ai commencé à écrire ça quelques lignes. Les lumières de mon quartier étaient presque toutes éteintes. Tout le monde était de sortie, classique pour un vendredi soir. Mais mon histoire était bien différente de mes voisins. J'étais seul chez moi à scroll sur Twitter pour trouver des news fraîches. J'aurais aimé dire que tout allait bien, mais ce serait mentir ouvertement. J'avais mal partout, j'étais crevé, j'avais faim. Pourtant, je m'efforçais de continuer, je m'efforçais d'aller au bout. Mais de toute façon, je n'avais pas le choix. Le maléfique Rémi ne me laissait pas dormir depuis 2 jours et me fouettait pour que j'écrive une chronique encore meilleure que les précédentes. Il m'avait promis un repas si je finissais, mais au rythme de ses coups, mon espoir s'amenuisait. De quoi pouvais-je bien parler? Sur quoi devais-je écrire? Ces questions tournaient en rond dans ma tête. Mais tout était fade, plus rien n'avait de sens. À quoi bon parler de Trump en Rocky Balboa? Il est tellement sur une autre planète qu'il faudrait que j'apprenne le Klingon pour le comprendre. Quel intérêt de parler de la statue de Zlatan qui a été vandalisée avec une lunette de toilette et un sac poubelle, puis a été enflammée. Si Zlatan en avait vraiment quelque chose à faire, il serait descendu du ciel pour chasser ses hérétiques à coups de rayon laser et de Falcon Punch. Devrais-je peut-être parler du Black Friday avec ces gens qui crient « anti, anti, anti-capitalisme » et en embrassant le logo d'Adidas? Ah bah non, on est samedi, donc... Et aux dernières nouvelles, on n'embrasse pas les choses que le combat, sauf si on les combat avec amour, auquel cas je doute d'une quelconque utilité, enfin efficacité. Les bisous magiques ne soignent pas du cancer, sauf ceux d'Amandine de Mimbus. Moi j'applaudis. Attends la fin, on applaudira tous ensemble. Ou alors, faut-il que j'informe que la destination qu'a pris Drogon à la fin de Game of Thrones a été révélée? Si vous n'avez pas encore fini la série, bouchez-vous les oreilles 17 secondes à partir de maintenant, parce que je doute que vous vouliez savoir qu'il emmène le cadavre de Daenerys à Volantis. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il y a à Volantis? La grande prêtresse rouge du Seigneur de la Lumière, dois-je rappeler qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'une folle en rouge s'est approchée d'un cadavre? Amen. Il est ressuscité. Alors, non, inutile. Inutile comme parler du dernier clip de Gims qui dénonce à sa manière les travers de l'industrie de la musique qui n'était pas déjà au courant. Que reste-t-il dans ce cas? Il ne reste plus que deux. Paix et argent. Peace and Love, Tariq et Nabil, Ademo et NOS, bref, PNL. Pourquoi parler d'eux dans cette émission? Parce qu'ils sont maintenant ancrés dans la culture pop. Hier, un live sur Twitch et YouTube a démarré en début de soirée avec un décompte. À 21h, on pouvait découvrir une sorte de capsule en plein Paris et un nouveau décompte, cette fois de 24h. Mais ce n'est pas tout. Au beau milieu de Lille, Lyon, Toulouse, Nîmes, Strasbourg et Nice, on pouvait trouver d'autres sortes de capsules, différentes de celles de Paris, mais tout aussi intrigantes. Qu'est-ce qu'il... Hein? Non, j'ai rien dit. Mais personne n'a rien dit, on t'écoute avec beaucoup d'attention. Il y a eu un petit Désolé. Son bizarre, mais non, c'est pas moi. Qu'est-ce que cela peut-il bien représenter? Combien paye-t-il le mec qui gère leur com pour qu'il arrive à se dépasser encore plus tous les 6 mois? Veulent-ils nous dire qu'en fait ils viennent d'une autre planète? Ou mieux encore, qu'ils ont décidé d'y retourner en amenant Hanouna pour le bien de l'humanité? Non, oui, oui. Allez-y. Non, je plaisante, on le sait déjà tous, ça va être l'annonce d'une tournée en France et sûrement une nouvelle musique. Il est 23h46 quand j'écris ces dernières lignes. Le maléfique Rémi a arrêté les coups de fouet et il n'avait plus la force de continuer. Il allait dormir en oubliant le cadenas sur le réfrigérateur. C'est enfin l'heure du festin tant mérité. Moralité de l'histoire, travaille bien à l'école les enfants. Merci G-Wolf. Tu l'as écrit quand pour de vrai? Ah, hier soir? Vraiment? Oui, oui mais oui! Et je pense qu'il a donné les vraies heures de. Ah oui, oui, tout à fait! Je pense, vraiment. Costaud. Bah, dis donc, dis-moi. Pour le coup, je trouve que c'est effectivement ton meilleur. Ouais, alors là, ouais. Là, ton meilleur actu, ouais, clairement. Merci. Effectivement, heureusement que du coup, tu n'as pas été coupé. Ah oui. Ah, ça aurait tout cassé. J'ai essayé d'aller un peu speed quand même pour pas être coupé. Effectivement. Alors, on va vite faire repartir du côté du TGS avec Dominique. Est-ce qu'il a quelqu'un avant qu'on envoie la musique? Peut-être est-ce qu'il faut attendre un petit peu, 2-3 secondes. Dominique? Alors, Rémi, je t'entends pas très bien. D'accord. Mais j'ai mon invité qui n'est pas encore arrivé. D'accord. Donc, on avait rendez-vous à 15, donc elle doit avoir un petit peu de retard. Très bien. Est-ce que tu penses qu'on a le temps 3 minutes pour une musique et ensuite on revient vers toi? Je pense, oui. Y a pas de problème. Très bien. Parfait. Ben dans ce cas-là, on va faire une pause en musique avec le titre de J'ai perdu. Je vous le donnerai à la fin. Culture Code. J'ai perdu ma feuille. Culture Code feat Kara avec le titre Make Me Move et on revient juste après. Through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Code feat Kara avec le titre Make Me Move dans Cult and Geek. Merci d'être avec nous. Ça fait un peu plus de 40 minutes que l'émission a commencé. On n'a jamais été autant à l'heure, les amis. Ah, mais moi, je nous félicite. Voilà. Je suis surprise. Avec des interruptions inattendues avec Dominique qui est au TGS. Donc, quand même, quand on a des émissions où il y a des trucs qui viennent se caler entre les chroniques, etc., on arrive à être à l'heure. Alors, faudra qu'on m'explique. On repart d'ailleurs au TGS avec Dominique qui poirote, c'est ça? Je poirote. J'attends à côté du stand de Turos. C'est un bon repère. Dominique, est-ce que voilà. Tu peux nous faire vivre un petit peu l'ambiance du TGS du coup? Alors l'ambiance elle est vachement diverse. Là ça a été assez bien fait. Il y, y a vraiment les boutiques au milieu, les jeux vidéo à l'entrée pré-vente, le stand culture asiatique d'un autre côté. Il y a des ambiances qui sont pas cloisonnées parce qu'elles se mélangent pas mal, mais qui sont bien représentées et assez diversifiées. D'accord. Plus agréable que d'habitude. Je trouve. Ah. Et niveau cosplay, est-ce que tu en as vu de très jolis ? J'en ai vu des magnifiques, notamment des très beaux samouraïs, des très beaux costumes de Star Wars. J'ai la reine maléfique de Thor Ragnarok. Ne bouge pas, j'arrive. J'ai entendu Star Wars, j'arrive, ne bouge pas. C'est assez, c'est le mot de code. Il y a des très très beaux combats de sabre. Tiens, j'ai un. Ok, j'ai encore un très beau sabre laser devant moi. Il a vraiment enlevé son casque, il est parti, mon dieu. On a perdu Rémi. Ah là là, mais on le perd toujours. Merde, j'ai une émission à finir, c'est vrai. Eh ben oui, tu viendras après. Il y a que moi qui profite pour l'instant. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Dominique. Tu ne bouges pas, tu restes au TGS. Bien sûr, tu peux nous interrompre à n'importe quel moment. Tu m'envoies un petit message et on repart avec toi. Et en attendant, nous on va passer au dernier jeu de cette émission. C'est bien sûr le top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Culten Geek. Le top ou flop, dernier jeu de cette émission qui peut être interrompu à n'importe quel moment, on le rappelle, par Dominique qui est au TGS pour nous, Toulouse, TGS Occitanie Game Show, qui est actuellement au Parc des Expos. Ta phrase voulait rien dire. Oui, je sais. En même temps, ils ont modifié le titre. D'habitude, c'est juste TGS et maintenant c'est TGS Occitanie Game Show. Voilà, donc il faut le retenir. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu long, mais on va y arriver. Ça restera TGS, hein, trop compliqué à dire. Oui. Oui aussi, on peut simplifier en TGS aussi. Le dernier jeu de cette émission donc, et bien sûr, je vous rappelle les règles. J'oppose deux noms de films, de comics, de mangas, de séries, de jeux vidéo, de youtubeurs, et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop par rapport aux notes de Sens Critique. Et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live de Culten Geek. Maëlys, merci pour ton peut-être. Et on commence tout de suite. Lequel est top entre ces deux séries, Mortel ou Shadowhunter? J'ai pas envie de dire Shadowhunter là par oui, contre. Oui, lequel est top ? Shadowhunter ou Mortel ? Je connais aucun des deux. Mortel, c'est le film français d'horreur qui passe en ce moment un peu partout. Moi je vais dire Mortel quand même, parce que Shadowhunter, franchement, j'ai envie de dire essayé, Mortel. Mais... Je pense qu'il est pas mal. Oh, j'ai pas vu, mais je pense qu'il est pas mal. Ouais, je pense aussi. C'est deux films d'horreur. Moi, il me donne envie en tout cas. C'est ouais, c'est à peu près. Non, ça. Shadowhunter, c'est pas de l'horreur, c'est plus de l'aventure. Fantasy ouais, un peu. C'est à peu près. Alors, c'est un truc d'ado. C'est un peu dark. C'est un peu dark quand même. Ah ouais ? Ouais, un petit peu. Ah bah le début, il est pas vraiment. Ok. Elle a vu que le début. Enfin, c'était pas vrai. Moi j'ai vu l'affiche et c'est un peu dark. J'ai pas du tout accroché, hein, vraiment. Du coup, voilà. Bon, je crois qu'on est, on dit lequel tous Mortel, top, apparemment. Mortel ? Alors, regardons. Shadowhunter 4,5, Mortel 6 tout pile. C'est donc Mortel qui est effectivement top. On continue avec lequel est flop entre Death Stranding ou Ancestors. Moi je dis Death Stranding tout de suite. Non, je plaisante. L'autre là, Ancestors. Ancestors. Ok, moi je dis Ancestors. Ancestors aussi. Il est trop bien Death Stranding. Death Stranding, c'est le truc de randonnée dont j'ai parlé la semaine dernière. Le jeu c'est de randonnée. Le tuto randonnée. Il suffit juste de dire Hideo Kojima et voilà, tu sais qu'il est top. Tu sais qu'il est top. D'accord. Mais il est trop bien. Non, tu sais que le créateur déjà s'est fait sucer par la presse. Death Stranding est noté à 7,8, Ancestors 6,4, c'est donc Ancestors qui est flop. Lequel est top, La Reine des Neiges 2 ou Klaus? Ça dépend, c'est au choix. Klaus. La bande annonce, elle est belle. Hein. Ouais, la bande annonce, c'est très là, joli. C'est difficile. Ouais. Non mais La Reine des Neiges 2. Libéré. Bon, je vais quand même dire La Reine délivré. Des Neiges 2. Je suis pas, enfin je l'ai pas regardé, j'ai pas écouté de quoi que ce soit, mais j'ai entendu des petites choses dessus. Les trailers, ils ont l'air quand même très très beaux quoi. Ah, j'ai entendu des petites choses dessus intéressantes. Ouais. Bah moi c'est surtout par rapport au graphisme comme quoi. Moi je vais dire Klaus quand même, je vais dire Klaus. Je suis la seule à dire La Reine des Neiges alors. Et on aura la réponse un petit peu plus tard puisqu'on repart au TGS avec Dominique. Bonjour Dominique. Rebonjour Dominique. Rebonjour de Rémi, donc j'ai ma dernière invitée, prestigieuse et ravissante, comme toujours, nous sommes avec Livan Arche. Livan Arche, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, quelle est votre activité au TGS ? Alors aujourd'hui, je suis donc guest au TGS et surtout, je vais être jury pour le concours qui va avoir lieu d'ici très peu de temps. C'est une actualité récente. Oui, Rémi ? Oui, concours pour la Coupe de France, j'imagine, au TGS ? Oui, tout à fait. Avec... Et lycéenne. Voilà. Et alors, on... Livan Hart, oui. Est-ce que vous nous entendez? Non, alors, est-ce que vous pouvez prendre le casque si vous entendez? On va squeezer un petit peu Dominique, on va passer directement. Voilà, exactement. On appelle avec Livan Hart. Vous convenez l'interview. Livan Hart, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Tu es actuellement en duplex, donc depuis le TGS, avec nous, il y a Maïlis du What the Fuck, oui. Renata du Nippon, Jay Wolf de l'ActuWeb, bonjour. Et moi-même, Rémi, pour votre serviteur. Livan Hart, enchanté. Alors, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté, du coup, de parler à Dominique et de prendre le micro et le casque. Comment est-ce que tu trouves l'ambiance pour l'instant du TGS? Est-ce que tu es déjà venu à Toulouse? Jamais. C'est la première fois que je viens à Toulouse. Par contre, c'est pas la première fois que je suis invitée par TGS. D'accord. Donc, alors que première impression de la Ville Rose? Ah bah c'est très très bonne ambiance, beaucoup de cosplay et beaucoup de monde. Alors, est-ce que tu as vu de très beaux cosplays qui pourraient presque rivaliser avec le tien? Absolument pas. Et c'est dit en toute humilité, bien sûr. Elle n'a plus passé les portes de sortie. Non, j'en ai pas vu tant que ça, en fait, et il y en a certainement qui rivalisent, mais pour le moment, je ma petite fierté, je me dis que non, pas avec taille, quand même. Bien sûr. Alors, Livan Hart, on voulait absolument te parler, puisqu'il y a eu une grosse actu, dont on a parlé de toi un petit peu dans tous les médias français. Il y a eu de gros mouvements d'appels pour te soutenir par rapport à la compétition Eurocosplay qui t'avait demandé de changer de cosplay pour participer. Est-ce qu'on a une réaction? Est-ce qu'on a de nouvelles infos du coup quelques mois après cet événement, ou est-ce qu'on n'en sait pas plus au final? Est-ce que toi de ton côté tu as eu plus d'explications pourquoi? Alors oui, évidemment, en interne les gens ont mené l'enquête pour moi, hein, finalement. Moi j'ai rien eu à faire, et d'ailleurs je n'ai rien fait parce que c'était la meilleure chose à faire, puisque le moindre mot pouvait être pris de manière déformée, amplifiée. Mais voilà, des gens ont pu mener l'enquête un petit peu, et moi je n'ai eu aucune excuse de la part d'Eurocosplay. Par contre, j'ai appris que ce n'était pas spécialement eux, en tout cas ce n'est pas l'organisation qui a voulu en fait me retirer, ce sont les jurys qui ont demandé à ce que je ne participe pas. Donc déjà ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour moi du coup ce n'est pas exactement c'est pas l'organisation voilà qui est en cause, mais vraiment les jurys qui ont décidé que je ne devais pas participer. Et alors oui, on m'a demandé de participer finalement, mais avec un autre cosplay, sauf qu'à 3 semaines de la finale, impossible pour moi de créer quoi que ce soit de nouveau, et je n'avais aucun cosplay qui soit au niveau de l'Eurocosplay, donc ça aurait été venir vraiment pour rien finalement, hein, pour même pas proposer un bon spectacle. Oui. Et voilà, hein, ça s'est arrêté là, le fait est que je n'y suis pas allée, et également que je n'y retournerai pas, enfin que je n'irai pas du tout. Même si on me proposait d'y retourner l'année prochaine, j'estime que maintenant c'est une question de fierté, c'est-à-dire que on m'a marché dessus, on m'a humilié, j'ai pas l'intention de leur faire ce plaisir finalement. Effectivement, on peut comprendre. Renata, tu avais une question pour Livan Hart? C'était pas vraiment une question, c'est juste que j'ai regardé plusieurs interviews, plusieurs reportages qu'il y a eu par rapport à Livan Hart, on va dire le perso et même les cosplays. Et franchement, je tenais à te féliciter pour le cosplay de Pike. Franchement, il est magnifique et on voit à quel point tu donnes vraiment de ta personne pour les réaliser. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est très gentil, merci, ça me fait plaisir. Livan Hart, pour toi le programme pour ces 2 jours, donc c'est jury pour le concours de cosplay qui est d'ailleurs dans quelques minutes, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Donc jury aujourd'hui, photocall après, donc les gens pourront se prendre en photo avec moi, s'ils ont envie, mais également avec les autres guests. Et demain, ça va être un peu plus calme. D'accord, est-ce qu'on aura la chance de te voir en cosplay justement? Bien sûr, alors aujourd'hui effectivement c'est plutôt une création personnelle que je porte, donc pas un cosplay en tant que tel, mais demain je porterai Asuka de Evangelion. Très bien, et écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous parler et surtout d'être revenu sur cette affaire de l'Eurocosplay. Nous on te souhaite bon courage du coup pour le concours, pour le jury, pour être jury, et puis on te souhaite un excellent TGS bien sûr. Eh bien merci beaucoup. Merci Livan Hart d'être venu au micro de Cult and Geek. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on a eu plus de guests qu'en 4 saisons quand même. Non, est-ce que vous vous rendez compte? C'est abusé franchement. C'est super plaisir. Non mais tu as vu le cosplay de Pike vraiment? Oui, mais du coup il y avait une image sur le Twitch de Cult and Geek, et il y avait justement l'image de Livan Hart. Tu as fait circuler normal, parfait. Et en cosplay juste à côté. Ouais. Donc, je vais la montrer à à notre cher T-Wolf qui n'a pas eu la chance de voir. Ah oui. Non mais il est magnifique. C'est vraiment, quand on dit magnifique, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment une photo d'elle en cosplay, quoi. Exactement, voilà. Alors, du coup, je vais la remettre pour ceux qui nous regardent en vidéo. Voilà, hop. C'est magnifique. Et si jamais vous avez l'habitude d'écouter en audio Cult and Geek, n'hésitez pas. Elles sont disponibles dès que l'émission sort en audio sur votre plateforme d'écoute préférée. Elle est également disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez rajouter un petit peu de vidéo, voir un petit peu la tête de Maëlys qui est actuellement sur son téléphone. Si vous voulez voir un petit peu la tête de T-Wolf. Mon téléphone. Ah non, t'es pas tu sur... Tu vois où non, est le téléphone. Effectivement, non, je... Alors autant pour moi, non, elle enlevait les miettes de la table. J'ai rien dit. C'est passionnant. C'est comme ça que ça commence les rumeurs. C'est ça. Alors on va bien sûr ne pas s'arrêter là. On refera un dernier saut au TGS ou un dernier ou avant-dernier ou avant-avant-dernier. On verra si Dominique a d'autres invités. Mais en tout cas, on retournera au TGS avec Dominique juste avant la fin de l'émission, de sûr et certain entre temps. On revient en tout cas sur le top ou flop. Je vous avais posé la question, lequel est top entre la Reine des Neiges 2 ou Klaus ? Vous m'avez répondu en majorité. Klaus pour les deux là, et moi j'ai répondu la Reine des Neiges. Pour toi Renata. Eh bien, la Reine des Neiges 2 est notée à 6,4, Klaus 7,8. Et c'est donc Klaus qui est top. Et enfin, d'après vous, entre ces livres, tome 1, je n'ai pris que le tome 1, lequel est flop ? Le Trône de Fer, le Monde de Narnia, à la Croisée des Mondes, le Seigneur des Anneaux, ou Eragon. Eragon. Non, en fait, je crois qu'il est bien, le tome 1. Faut te mettre d'accord. T'as dit le flop, hein ? Lequel est flop ? La Croisée des Mondes. Non, je reste sur Eragon. Tu restes sur Eragon, G-Wolf. Maëlys, Renata. Maëlys a dit la Croisée des Mondes. C'est ça. Et Renata. Tu peux répéter ? Le Trône de Fer, le Monde de Narnia, à la Croisée des Mondes, le Seigneur des Anneaux ou Eragon ? Bah écoute, je vais dire le Monde de Narnia. Le Monde de Narnia. Ouais. Regardons ça tout de suite. Le Trône de Fer est noté à 8,1. Mm. Bon, ça va, pour l'instant, c'est pas lui. Le Monde de Narnia, 6,7. Ah, peut-être. À la Croisée des Mondes, 7,6. Le Monde de Narnia reste en flop pour l'instant. Le Seigneur des Anneaux, 8,3. Le Monde de Narnia rien reste surprenant. En flop. Alors, entre le Monde de Narnia, qui est noté à 6,7, et Eragon, lequel est flop ? Eragon étant noté à 6,4, c'est lui qui est flop, effectivement. Bravo, G-Wolf, pour avoir trouvé d'entrée. Mais à 0,3 Effectivement. Et donc voilà, on a fini pour ce top ou flop. N'hésitez pas à... Je voulais tellement que ce soit ex aequo. J'aurais trouvé ça trop drôle. Et je sais que le tome 1 de toutes ces séries de livres qui ont été adaptés en film ou non sont vachement bien. Et les gens critiquent vachement les films parce que ça respecte pas les livres. Donc j'aurais pu mettre Harry Potter, mais il y en aurait une qui l'aurait défendu bec et ongle. Donc non, du coup, non, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée, Rémi, vraiment. En tout cas, le top ou flop s'arrête ici et on passe tout de suite à l'instant Nippon. C'est l'instant Nippon dans Cult & Geek. Et si je réactive mon micro, c'est beaucoup mieux. L'instant Nippon, Renata, que nous as-tu préparé ? Alors moi, au fait, aujourd'hui, je voulais rester un peu local, entre guillemets, donc je me suis chocolatine. Dit... C'est quoi le rapport avec l'instant Nippon ? Parce qu'on est local. C'est local. D'accord. Non mais l'instant Nippon, il n'y a aucun rapport avec les chocolatines. Tu vois, je peux pas faire un truc japonais sur les chocolatines. Ah mais t'as dit local, hein. Alors tu te démerdes. Donc pour ça restera quand même local. Donc je voulais mettre à l'honneur. Hein ? Le festival des lanternes. Non, mais, attends, mais si vous voulez, non mais si vous voulez, je peux en parler le festival des lanternes la prochaine fois. C'est très bonne idée, merci beaucoup. Et on essaiera d'inviter les organisateurs, comme ça, au moins, on aura des invitations gratuites. Comment ça Un peu opportuniste, Rémi, mais j'aime beaucoup ta façon de penser. Jamais. Du coup, non, je voulais mettre à l'honneur le manga / animé Radiante, donc j'en ai déjà parlé par le passé, très rapidement. Mais voilà, son créateur, si vous ne le savez pas, est toulousain. Et j'en avais parlé, je pense, pendant la saison 2, quand vraiment il a commencé à avoir une grosse. Oui, effectivement. Un gros engouement, on va dire, autour de son œuvre. Et nous en avons très peu parlé. Donc voilà, avant tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, il faut quelque chose avec son téléphone, je comprends pas. On dirait qu'il se prend en photo de là où je suis. Non, mais tu vois. Non, je baissais le son pour ne pas que. Avant tout, Radiant, c'est quoi ? Donc un manga shonen, aventure, fantasy, sorcellerie, donc un peu tout ce qu'on aime. Donc ce qui est bien, c'est que du coup Tony Vallant, donc c'est le nom du créateur, n'a pas vraiment cherché, on va dire, à révolutionner le shonen comme beaucoup essayent, mais au final, bah, il faut vraiment que ce soit une œuvre très très poussée, très très réfléchie, très vraiment exceptionnelle pour que ça puisse vraiment impacter comme ça. Lui, il a mis sa propre identité dans son manga et il a publié en fait comme et on va dire avec le potentiel de toutes les grandes œuvres comme on en a plein maintenant qui ont plein de tomes, on va dire. Donc je crois qu'il en est au tome 13, quelque chose comme ça. Donc franchement, super bien parti. Et on en parle de l'animé Radiante qui est disponible sur Netflix. Voilà, j'allais le dire, bien sûr. Donc maintenant, c'est très facile de le retrouver. Mais il passe aussi sur Game One, d'ailleurs. Oh, pas mal. Parce qu'à la base, donc, il dessinait des bandes dessinées, justement des BD. Il a publié Radiante, on va dire, comme son dernier... comment dire ? Baroud d'honneur ? Ouais, on va dire un peu ça, ouais, parce que il connaissait très peu de succès, on va dire, avec ses BD, et il s'est dit bon bah je veux faire un dernier projet qui me tient vraiment à cœur, que je vais vraiment aimer, et bah forcément le manga, vu que c'était vraiment ce qui lui plaisait. Et en fait, il se rend compte quand il a publié donc Radiante, etc., de tout le succès que ça avait, et que bah on va dire par le passé ses BD en fait c'était des faux mangas entre guillemets, parce qu'il aimait beaucoup les scènes d'action, etc., mais dans une BD tu peux pas mettre 12 pages ou 20 pages à raconter une scène de combat. Ah oui. Alors que dans des mangas, c'est super courant que les combats durent plusieurs, même plusieurs mangas, tu vois, plusieurs et que tomes. Oui, c'est ça, et qu'un livre ce soit que du combat. Non, et mais, en fait, non mais voilà, mais après tu mets aussi des éléments d'histoire dedans et c'est super intéressant, tu vois. Enfin, on est tous habitués à ça dans les mangas. Oui. Alors que les BD, pas du tout. Donc voilà, ça correspondait pas vraiment, on va dire, au format et au public qu'il y avait derrière. Mm-hmm. Donc voilà, et bah, pour sa plus grande surprise, il pensait que Radiant ça allait être un peu un échec, on va dire. Et pour sa plus grande surprise, bah, pas du tout. Donc c'est extrêmement populaire. Il y a plein de pays maintenant qui font la traduction du manga. Et notamment bah, le Japon. Enfin, ils ne pensaient pas du tout pouvoir aller jusqu'au Japon. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui sont venus lui proposer un anime. Et il faut savoir qu'à la fin de la saison 1, ils étaient déjà en train d'annoncer la saison 2. Donc il n'y avait même pas encore toute la saison qui était sortie. Ils disaient on fait une saison 2, les gars. Voilà. Et lui participe, on va dire, en tant que consultant un peu pour la série animée, du coup, parce qu'elle est produite au Japon. Et en fait, ils viennent le voir pour s'assurer de rester complètement fidèle à l'œuvre originale. Donc, ils posent plein de questions, ils vérifient que les scripts sont bien faits, que l'interprétation est bonne, etc. Et je trouve que c'est ouf quand même. Enfin, Toulousain, français, qui se retrouve. C'est un petit peu comme Le Rire Jaune qui a sorti son manga et qui cartonne aussi. Quoi. Voilà, succès international et tout. Enfin, voilà quoi. Je trouve que ça montre que nous avons tous le potentiel de faire de grandes choses et même dans d'autres pays, et qu'il faut juste continuer, persévérer, tu vois. Bah, par exemple, en 2019, je l'avais vu passer, mais j'avais pas pu le publier sur notre compte Instagram. Il avait dessiné à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby au Japon, la couverture du magazine L'Équipe. Ah ouais, rien ouais, que ça. Ouais. Le 20 septembre, je crois qu'il avait été publié. Franchement, super, super belle couverture. Très, comment dire, esthétique, très, enfin, ça correspondait parfaitement à l'événement. Et ils lui ont demandé à lui, quoi. Enfin, je trouve que c'est incroyable. Les Français ont du talent. Exactement. Les Français ont beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Les Français ont du talent. C'est ça. Et oui, et quoi ? Vas-y, qu'est-ce qui se passe ? J'avais un commentaire. Maïlis qui se transforme en chat ? Ou en chèvre, on ne sait pas trop. Ouais, en fait, voilà, c'est un milieu, c'est en plein milieu là. C'est passé. Non, je sais pas, je pensais à la campagne parce que français en général, pain, béret, machin, truc, fromage, campagne, fromage de chèvre à la campagne ou de brebis. Bon. D'accord. Alors, si je me permets, je vais interrompre cet instant très bucolique. Je vous pose des questions. Pour un synopsis très rapide, parce que je veux pas spoiler le but. Très rapide. Le but était vraiment minute. De mettre à l'honneur le créateur plutôt que le manga. Donc, personnage principal 7, un infecté sorcier, apprenti sorcier plutôt, qui doit combattre des monstres qui s'appellent des Némésis. Donc, j'aime beaucoup le nom. Qui cherche à détruire le monde et à faire. Enfin, voilà quoi. Tiens, comme c'est original. Non, mais, ça alors. Mais c'est pour ça que je dis que c'est l'histoire en fait. Il sait pas de révolutionner, mais de donner quelque chose d'intéressant. Donc des sorciers, etc. Et apparemment, il tombe d'un nid qui s'appelle donc Radiant. Et son but n'est autre que d'éradiquer tous les monstres pour que les infectés et l'humanité puissent coexister. Parce que les infectés, ils ont été infectés par les monstres. Ouais. Donc ils sont pas vraiment acceptés par les humains. Alors qu'ils essayent de les sauver, tu vois. D'accord. Donc voilà, il y a tout un problème un peu comme ça, des humains qui les chassent, etc. Enfin, c'est okay. assez poussé. C'est drôle, on dirait une quête dans un MMO. Attends. Et lui, son but, donc ça ressemble, je trouve ça revient un peu à One Piece, un peu là-dessus, c'est qu'il veut retrouver, il veut trouver le nid, donc d'où partent tous les monstres, donc Radiant, et bon, il sait pas où c'est. Et ouais. Son but, c'est de le trouver et de le détruire pour qu'il n'y ait plus de monstres qui puissent naître, entre guillemets. Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, merci Renata du coup pour la présentation de Radiant, l'œuvre de Tony Valente. Tout de à fait. Toulousain, prochain invité de Cult and Geek. Ah bah, je croise les doigts, Ah, ce serait génial. Ah, ce serait un honneur, vraiment. À savoir quand même que dans maintenant trois émissions, la troisième, dans deux émissions, donc le 21 décembre 2019, ce sera la centième de Cult and Geek. Voilà. Wow. Ce sera la centième émission. Tu prépares une musique d'anniversaire, hein? Je prépare mieux que ça. Oh. Mieux que ça. Et nous serons d'ailleurs en direct depuis le Toulouse eSport Concept. Donc si vous voulez venir fêter la centième émission avec nous, ce sera possible. Et vous pourrez même rester après l'émission. Et même, pourquoi pas, interagir pendant. On ne sait pas ce qui va se passer dans cette émission. On ne sait pas. Trop bien. Merci Renata. Et on passe tout de suite au What the Fuck avant de retourner au TGS avec Dominique. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Le what the fuck de la semaine, c'est avec toi Maëlys. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé pendant que G-Wolf se mouche? Puisqu'il est malade. Merci, grâce à toi j'ai eu un moment pour combler et y a pas de soucis. Retrouver mes trucs. C'est quand tu veux. Oui. Oh, et oh, l'attaque. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand tu veux, hein. Non, mais c'est quand tu veux pour faire des trucs pour combler tes moments. Il y a eu un quiproquo de l'espace là. Mais grave. C'était genre gentil, tu vois, c'était pas... Eh ben justement, ça a aucun rapport. Mais en Russie, ils ont décidé de mettre des casques de réalité virtuelle sur la tête des vaches de façon à produire plus de lait. Alors les premiers résultats apportent que oui, ça marche. Alors il me semble que c'est pas pour produire plus de lait, mais c'est pour, comment dire... que les vaches se sentent mieux en fait, parce que oui, mais si elles sont mieux, elles produisent plus en fait. Ah, je sais pas si c'est plus, c'est pas juste de meilleure qualité. Bah dans tous les cas, c'est plus. Okay. Bon, ouais, t'as quand même raison de base. T'as voulu tester. Moi aussi. On t'as perdu. Non mais d'accord, pas de soucis. Va porter ta grippe ailleurs. Alors là, je suis dégoûtée. Donc, la page, elle a bug. Qu'est-ce que alors, on rappelle quand même l'information principale. Casque VR pour des vaches, pour qu'elles produisent plus de lait. Je me demande ce qu'ils diffusent sur les casques VR. Moi, je me demande. Je le sais. Tu le sais. Bah, dis-nous. Oh, putain. Alors déjà, je précise avant qu'ils ont droit, ils ont droit à de la musique classique en même temps, et ça va être des grands champs de blé dans un ciel bleu. Alors, pourquoi les vaches bouffent de l'herbe? Pourquoi est-ce qu'on leur diffuse des images d'un champ de blé? J'y ai pas réfléchi. Je sais pas. Moi, je pose la question. Après, voilà, on en discute, on est là, on réfléchit, on brainstorm, tu vois. Mais pourquoi? C'est. Je ouais, pense. Mais c'est que... la Russie. Ouais, voilà, c'est ça. Ah. Après le prêtre, c'est les vaches. C'est ça. Mais moi, je sais pourquoi. Pourquoi? C'est parce que. Comment dire? Pourquoi mettre les vaches en plein air et du coup gaspiller de l'argent à justement avoir des vaches en plein air quand tu peux les parquer quelque part dans vraiment coller l'une à l'autre, sauf qu'elles ont tout un casque de réalité virtuelle et elles se sentent justement bien. Oui, mais la question c'est pourquoi du blé et pas de l'herbe. Eh oui, c'était ça la c'est question. Ça la question. Non, parce que sinon je te dis que le trou dans l'estomac des vaches c'est fait pour leur donner des compléments alimentaires, c'est tout bon pour eux. Ah ça c'est horrible. On la laisse jamais tranquille ces vaches. Hein. Non, c'est vraiment horrible. J'ai vu des trucs comme ça. Apparemment, ils envisageraient de faire la même avec des lapins. C'est crois. Pour des tests, je crois aussi. Et sur une note plus légère, on a le droit à des guirlandes de Noël, version barbe. Donc pour hommes, quoi c'est réel. De quoi? Attends, j'ai eu quoi? Des guirlandes de Noël à si mettre tu sur me la barbe. Pas expliquer. J'ai une photo, mais je pense jamais en fait à te les envoyer. Alors essaie de. Alors, déjà, il faudra rectifier ça. Ensuite, ouais. Tu vois la caméra qui est derrière toi? Essaye. Voilà, essaye va montrer ton téléphone dessus. Ouais, mais attends, parce qu'en fait, c'est une vidéo, la photo, elle passe, elle fait. Essaye d'arrêter la vidéo. Essaye d'arrêter la vidéo. Essaye d'arrêter la vidéo au bon moment. Ouais, mais non, mais c'est une pub, les gars. Est-ce que c'est une guirlande qui se met dans la barbe ou est-ce que c'est une barbe en forme de guirlande? Non, j'ai dit c'était pour les hommes, donc c'est forcément ceux qui ont déjà de la barbe. D'accord. Donc toi, tu es recalé. Ouais, super, merci. Non, c'est des micro-guirlandes avec des tout petits LED que tu, tu disposes dans la barbe. D'accord. C'est fait exprès. D'accord, okay, très bien. Et je crois qu'ils ont parlé de faire aussi des très festifs. Des boules de Noël qui vont aussi aller dans la barbe. Dans, ah, okay, j'ai cru que c'était autre chose, les boules de Noël. Moi, je vais pas rebondir dessus. Oh mon dieu, oh mon dieu. Dis-moi, oh, je pense à des guirlandes pour les boules de Noël. Je pourrais montrer la micro-miniature, mais le problème, c'est que ça va griller tous les prochains What the Fuck, donc je le montrerai pas. Très bien. Bah écoute, merci Maïlys. Mais, petit aparté, Ahmed, quand même, défonce la gueule de tout le monde sur les marchés de Noël. De quoi? Ouais, c'était pas français. S'il te plaît. Ahmed, ils mettent des dégos de... Des décos. De ouf. Ok, donc alors, pour ceux qui n'ont pas compris, traduction. À Metz, la ville de Metz, hein, en France, ils mettent des décos de Noël vraiment, vraiment très jolies. Je peux avec des arbres géants. Je peux confirmer ça. Je vivais en Lorraine avant, donc juste à côté de Metz, et j'y allais très souvent, et c'était effectivement magnifique. Et elle mangeait des quiches. On n'a pas tous le même niveau. Hein. Des quiches Lorraine. Et pourtant, elle s'appelle Renata. C'est fou, ça. Je peux aussi dire qu'il y a un petit snowpark. Moi, j'ai trouvé ça cool quand même et un peu chelou. Un snowpark spécialement pour les enfants au maximum 4 ans qui vont faire du snowboard en plein Toulouse, là où il ne neige jamais. Ah, ça, c'est cool. Mmh. Voilà. Ça, c'est cool. C'est où, ça? Et c'est dans centre-ville, Toulouse, place Saint-Georges. Voilà. C'était un moment what the fuck, pas what the fuck. Si, les vaches. C'est dommage. Les vaches, c'était assez. Ah, et la barbe. Tu vois, t'aurais dû le placer à la fin. Vraiment, là, les. Bon, c'est pas grave. Tant pis, on va s'en contenter. Merci, Maïlys. Merci. Et juste avant de terminer cette émission, on retourne au TGS avec Dominique qui est avec nous toujours. Bonjour, Rémi. Bonjour, Dominique. Bah, bonjour. Oui, bonjour. On va pas se dire bonjour. Enchanté. À chaque fois parce que. Bonjour. C'est déjà fait. Ça peut durer un moment, hein, sinon. Dominique, oui. Donc, tu es toujours au TGS, alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais du coup maintenant que tu n'as plus d'invité à chercher? Là, je prends l'air un peu. Je suis à l'extérieur, une petite zone de détente. Ça fait du bien pour respirer un petit peu. Tu fais pas d'achat? Voilà. Pardon? Tu fais pas des achats? Non, parce que je suis pas payé. Ah. et puis faire des achats avec un micro dans la main, machin, c'est un peu le bordel. Donc j'attendrai un petit peu. Si vous êtes actuellement au TGS, n'hésitez pas. Il y a Dominique qui se balade avec un micro dans la main. Il est facile à repérer. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, il est... Exactement. J'ai un casque sur les oreilles, il y a un micro dans la main. Voilà. Je pense qu'il y a quand même plus compliqué à repérer. Oui, mais bon, je pense aussi. Et donc voilà, un petit moment de détente en extérieur. Il y a plusieurs petits points comme ça pour ceux qui veulent manger tranquillement, fumer ou juste jouer de la musique parce que ça a l'air on l'a entendu au fond. Effectivement, on l'a un petit peu entendu. Dominique, est-ce que tu as couru ce matin? Un petit peu, mais pas plus que de raison, parce que quand même, il faut savoir se préserver. J'adore. Le mot de fin. Exactement, et ce sera c'est le mot de la fin. C'est bien qu'il mange de la pizza. Merci Dominique, en tout cas, d'avoir été notre envoyé spécial. On te remerciera en pizza, si tu veux. Ah, ça c'est très gentil. Et du coup, à bientôt. Si à chaque fois je suis remercié en pizza, je vais le faire souvent. Ça marche. Et écoute, l'année prochaine, normalement, c'est dans l'autre parc des expositions, trois fois plus grand. On t'y enverra. Ce sera une pizza aussi offerte. Il faudrait le filmer, vraiment, il faudrait le filmer, voir s'il court. En tout cas, voilà, le Cult & Geek, ça s'arrête ici. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver tous nos invités, tous nos intervenants dans cette émission. Ce sera dans les données associées, hein, directement dans l'émission quand elle sortira sur nos réseaux sociaux. Et puis on remercie bien sûr Dominique d'avoir fait notre envoyé spécial depuis le TGS. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter, Discord, Insta, Twitch. Merci à nos diffuseurs et nous on se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct depuis Twitch. Bisous, bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao. Matane, chocolatine.